Nous abordons aujourd'hui, chers auditeurs, l'une des pages les plus surprenantes et les plus actuelles de la Bible. Je parle des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, sous-titrés « Les lettres aux sept églises d'Asie ». À la fin du 1er siècle, l'église chrétienne était persécutée. L'apôtre Jean fut alors emprisonné sur l'île de Patmos, dans la mer Égée. C'est là que Dieu lui a confié le message de l'Apocalypse, et Jean fut chargé de transmettre ce message à toute l'église de Jésus-Christ. L'ange lui a ordonné de la part de Dieu « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Apocalypse 1, 11. Au 1er siècle de l'ère chrétienne, des centaines d'églises se sont développées sur les rives de la Méditerranée. Mais sept d'entre elles ont été désignées par le Seigneur pour recevoir un message particulier. Bien qu'étant toutes proches de l'île de Patmos où se trouvait l'apôtre Jean, ces églises n'ont pas été choisies pour leur situation géographique. Le regard du Seigneur s'est posé sur ces églises parce que chacune d'elles illustrait par avance une étape de l'histoire du christianisme. Au-delà des exhortations que contiennent ces lettres, il faut donc voir l'esquisse de toute l'ère chrétienne du 1er au 20e siècle. Dieu seul pouvait communiquer à son serviteur Jean d'une façon si précise les données générales de 2000 ans d'histoire, ce qui démontre une fois de plus l'inspiration du Saint-Esprit communiquée aux écrivains sacrés. La première église à laquelle le Seigneur s'adresse dans l'Apocalypse est celle d'Éphèse. Elle avait bénéficié en son temps du ministère de l'apôtre Paul qui avait enseigné les Écritures pendant 3 ans. L'église d'Éphèse avait alors manifesté une extraordinaire vitalité, ce que montre bien le livre des Actes et l'épître de Paul aux Éphésiens. Mais 30 ans après le passage de l'apôtre, la situation n'était plus la même. Aussi le Seigneur s'adresse-t-il à l'église d'Éphèse en termes pathétiques. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu as souffert à cause de mon nom. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Apocalypse 2, 2 à 4. L'église d'Éphèse, c'est l'image du christianisme apostolique du 1er siècle qui, en une génération, s'était étendue sur toutes les rives de la Méditerranée. Toutes ces églises fondées par les apôtres vibraient du premier amour pour Jésus-Christ. Mais, après quelques décennies, elles ont abandonné progressivement ce premier amour au profit des premières hérésies et des premières formes cléricales. Hélas, il peut en être de même dans nos vies. Sommes-nous toujours dans le premier amour qui nous caractérisait lorsque nous avons accepté Christ comme notre Sauveur ou lorsque nous avons entendu son appel à le servir? Pour ranimer la flamme dans l'Église primitive, il n'a pas fallu moins que la souffrance, les tribulations et les persécutions de toute nature. La deuxième lettre de ces chapitres de l'Apocalypse est destinée à l'Église de Smyrne. C'est précisément une lettre qui parle d'affliction, de souffrance, de tribulation. Elle annonce donc prophétiquement les 3 siècles de persécution qu'ont connus les chrétiens sous l'Empire romain. Ce fut l'âge héroïque du christianisme des catacombes. Lorsque les disciples de Jésus-Christ préféraient être déchirés par les bêtes fauves dans les arènes du Colisée plutôt que d'abjurer leur foi. Dans cette lettre à l'église de Smyrne, le Seigneur entrevoyait chacun des martyrs lorsqu'il disait « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2, 10. La troisième lettre d'Apocalypse 2 et 3 concerne l'église de Pergame. Pergame était un centre d'idolâtrie et de corruption, et il s'était installé dans la communauté chrétienne de cette ville un horrible mélange entre la foi et le paganisme. C'était l'église des compromis, préfigurative d'une période bien triste de l'histoire du christianisme. Sous l'initiative de l'empereur Constantin, la chrétienté du IVe siècle est devenue religion d'État. À vrai dire, l'Empire romain ne s'est jamais christianisé, Mais l'Église s'est alors paganisée. Ce mélange est dénoncé en termes très forts dans la lettre à l'Église de Pergame, mais le Seigneur propose tout de même un remède précis à cette grave situation. Puis c'est la lettre à l'Église de Thyatire, une communauté qui redoublait d'activité religieuse, mais tolérait dans son sein un enseignement rival opposé à celui de Christ. Or, au-delà des circonstances locales de l'Église de Thyatire, cette quatrième lettre dépeint prophétiquement, de manière très explicite, la quatrième phase de l'histoire du christianisme, c'est-à-dire l'état de la chrétienté du Moyen-Âge où, pendant des siècles, l'enseignement de la tradition a pris la place du message de la parole de Christ. Ce fut ensuite le tour de l'église de Sardes. Le mot Sardes est de la même racine étymologique que la pierre de Sardoine qu'on portait dans l'Antiquité pour conjurer les mauvais sorts. D'où la signification du mot « sarde », littéralement « ceux qui échappent ». Il y a là une nouvelle pensée prophétique que Jésus-Christ communiqua à son serviteur Jean. Au XVIe siècle de l'ère chrétienne, un puissant mouvement de l'Esprit de Dieu devait remettre en valeur la Bible en tant que parole de Dieu. De très nombreux chrétiens, que l'on a nommés protestants, ont alors échappé à l'enseignement de la tradition. Cependant, après la période bouleversante de la Réformation, les descendants des réformés ont oublié leurs origines. Et c'est à une église protestante moribonde que le Seigneur s'adresse par cette parole consignée dans la lettre à l'église de Sardes. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Apocalypse 3, 1 à 3. Pour Sardes, pour chacune des églises d'Asie, comme pour toute l'église chrétienne au cours des siècles, le Seigneur ambitionne le réveil, la délivrance. C'est pourquoi, dans chaque lettre aux sept églises d'Asie, nous lisons cette phrase « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, il y eut des hommes et des femmes qui ont écouté le langage de l'Esprit de Dieu, qui se sont laissés avertir et qui ont conformé leur vie à ce que le Seigneur demandait d'eux. De même, il y a eu et il y aura toujours des fidèles et des vainqueurs dignes de l'éloge adressé par le Seigneur à l'église de Philadelphie, cette église d'Asie mineure qui a reçu la sixième lettre d'Apocalypse 2 et 3. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, 8. Sur le plan historique, l'église de Philadelphie était une église faible, mais elle devint puissante en Jésus-Christ par sa fidélité à la parole de Dieu. Sur le plan prophétique, elle préfigure l'église faible selon les hommes, mais puissante devant Dieu qui a connu les réveils spirituels durant les 19e et 20e siècles. C'est d'elle que sont sortis de très nombreux missionnaires, porteurs des saintes écritures jusqu'aux extrémités de la terre. C'est elle qui, aujourd'hui encore, brandit bien haut la bannière de la vérité et à qui le Seigneur déclare « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Apocalypse 3, 10 à 11. Dans ce chapitre, le Seigneur s'est encore adressé à une septième congrégation, l'église de Laodicée, qui vivait dans des illusions profondes sur son propre état. Elle se croyait riche, mais elle était pauvre. Elle prétendait n'avoir besoin de rien, et pourtant, il lui manquait l'essentiel. Quelle image de la super-église universelle en train de se former sous l'égide de l'écuménisme, et qui un jour encourra le décret le plus sévère de la part du Tout-Puissant. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, 15 à 16. Cependant, en dépit de la sévérité de cet avertissement, le Seigneur conclut sa lettre à l'église de Laodicée en s'adressant tout à nouveau au pécheur qui a besoin d'être sauvé par grâce. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Il arrive hélas bien souvent que le Seigneur soit rejeté des églises officielles et multitudinistes. Mais il frappe encore à la porte des cœurs et s'adresse toujours en grâce aux pécheurs afin qu'ils soient sauvés. Nous aurons l'occasion de nous pencher en détail sur ces différentes lettres adressées aux églises d'Asie, à commencer par la lettre à l'église d'Éphèse. Mais en cet instant, il est possible, chers auditeurs, que le Seigneur frappe à la porte de votre cœur. Il voudrait entrer dans votre vie pour tout changer. Il voudrait y apporter la paix de Dieu, la vie éternelle, la joie. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Voulez-vous ouvrir votre cœur à sa grâce ?